Le gardien des ondes par Eric Arasim. Lu par Christiane Johan pour audiocité.net. Chapitre 1. Lille. La place Riour était méconnaissable sous les trompes de neige d'une blancheur aveuglante qui couvrait son pavage en ce mois de janvier 1941. Seuls quelques chômeurs réquisitionnés pour déblayer le centre-ville de Lille avaient eu le courage de répondre à l'appel des autorités allemandes, très satisfaites de cette main-d'œuvre bénévole, toujours aux ordres et à la disposition du Reich. Alignés en rang d'oignons, ils étaient tous affairés à cette tâche ingrate, à l'image des prisonniers sur le front de l'Est, accoutrés d'une longue gabardine noire et d'un béret, pour mieux se protéger du froid polaire qui leur glaçait les os. Munis d'une simple pelle, ces hommes en pleine force de l'âge tentaient désespérément d'ouvrir une voie vers la rue de Béthune, transformée en congères arctiques. Quelques soldats de la Wehrmacht et des employés municipaux les avaient rejoints afin de les aider dans leur labeur. Les cylindres de glace qui s'étaient formés autour des lignes électriques avaient provoqué d'importantes coupures sur le nord, venant rajouter des difficultés supplémentaires aux conditions de vie de tout un chacun, déjà affecté par les restrictions alimentaires et le couvre-feu. Même les péniches sur la Deule gelée étaient immobilisées comme des brise-glaces en cale sèche, paralysant toute l'activité économique de la région et particulièrement l'importation de charbon et de pommes de terre en provenance du Pas-de-Calais à destination de l'Allemagne ou des Pays-Bas. Les rues étaient impraticables. Et les rares badauds qui avaient eu le malheur de s'aventurer dans les rues transformées en patinoires s'étaient réfugiés au cœur des bistrots qui proposaient gratuitement un bol de viandox bouillant, très dilué, parfumé au sel de céleri, ou une infecte vinasse chaude afin d'appâter une nouvelle clientèle de passage. La taverne Gaspard, ouverte depuis 5 heures du matin, était le point de rendez-vous quotidien des cheminots de la gare de Lille qui avaient terminé leur nuit de travail. Dès l'aube, ces derniers, encore vêtus de leur bleu, ingurgitaient quotidiennement au comptoir leur première chope de la journée sous le regard habitué de Jean, l'austère patron, qui se délectait de leurs histoires paillardes dunkerquoises ou de blagues belges des plus grivoises qui le faisaient rire aux éclats. De sa main gauche et d'un mouvement souple, ce dernier pivotait en permanence, dans une sorte de gestuelle répétitive, le manche de la tireuse de bière pression coulant en flux continu, à l'instar d'une fontaine miraculeuse, abreuvant aux aurores cette bande de joyeux lurons à l'accent ch'ti à couper au couteau qui laissait pantois les quelques soldats allemands venus se réchauffer. Ces truculentes plaisanteries de Bidas faisaient oublier à tout ce petit monde, issu de la classe ouvrière, les difficultés au quotidien et les malheurs causés par l'occupation. Le numéro 27 de la place Riour était vraiment le seul endroit au cœur de l'île où l'on pouvait encore noyer sa tristesse dans l'amertume d'une champignole ou d'une excelsior sans être inquiété par la commandantour qui fermait les yeux sur les excès de ses débits de boissons sous contrôle. Par un décret préfectoral, les alcools forts n'étaient acceptés que 3 jours par semaine. C'était particulièrement dans ces lieux populaires que la police allemande traînait l'oreille du côté des comptoirs, tentant de soutirer quelques informations importantes de la part de clients goguenards, trop bavards et surtout bien imbibés. À partir de 8 heures, et seulement durant les jours autorisés, un rituel quotidien réunissait ce groupe d'ouvriers, impatients de se retrouver au fond du bistrot autour de Michel Denecker, dit Nénette, le plus jeune cheminot de l'équipe. Ce dernier avait la réputation d'être le champion local du jeu de dés, et particulièrement le 4-21 à la Duquesnoise, méthode qui consistait à faire boire une gnôle ou bistouille au perdant, c'est-à-dire une boisson alcoolisée des plus fortes, qu'il pouvait diluer dans son café. Malheur à celui qui faisait nénette plusieurs fois, en tirant un 2-21, auquel cas il se retrouvait très vite dans un profond état d'ébriété. Le brouhaha fut soudainement interrompu par l'arrivée discrète de M. Kurt. Cet étrange personnage, à l'accent bavarois, qui salua le patron et l'ensemble des clients tout en s'installant au fond du café. Celui que l'on nommait M. Kurt était un grand type élégant d'une 30aine d'années, aux yeux bleus très clairs, aux cheveux blonds coiffés en arrière, lustrés à la brillantine. Il était affublé d'un long manteau de tweed couleur anthracite, ainsi que d'un chapeau en feutre de la même teinte. Ce dernier commandait tous les matins un café filtre à la flamande, que les autochtones dénommaient ici Chirlout, par l'ajout d'une rasade importante de chicorée. Il avait choisi ce bistrot, qui était devenu pour lui un lieu familier dans lequel il pouvait assister à ce spectacle époustouflant, caractérisé par les multiples victoires de Nénette, le champion de 4-21. Les pauvres bougres, qui depuis plus d'une heure avaient eu la malchance de se confronter à Michel Denneker, étaient totalement torchés et titubaient en s'accrochant aux tables et aux chaises afin de rejoindre les latrines. Trois matins par semaine, ce spectacle était à la fois fascinant et pitoyable. Devant les coups de dés miraculeux de Michel, ses camarades tombaient comme des mouches, essuyant des revers par les suites d'as qui se succédaient, pour s'achever enfin par un redoutable 4-21 qui leur était bien souvent fatal. C'était pour eux la peine capitale, une tournée de Genièvre de l'Os à 70 degrés, que tout le monde ici nommait Sainte-Geneviève et qui pouvait très vite vous promettre, sans prière, une ascension vers les cieux ou une descente fracassante sous le comptoir. Dans ce bouche populaire, M. Courte, Jean le patron et Michel Denneker, dit Nénette, étaient les seuls à rester sobres tout en gardant leur distance avec cette bande de pochetrons assoiffés. Tels des toreros agités dans l'arène, ils succombaient tous les matins aux tactiques de jeu d'un redoutable jeune taureau ayant pris les traits d'un frêle cheminot du nom de Michel. À distance, M. Courte avait discrètement observé depuis plusieurs jours tout ce petit manège, et particulièrement les techniques de lancer de dés qu'effectuait Michel. Après plus d'une heure de jeu, il attendit que la fine équipe de cheminots en détresse s'éclipse une bonne fois pour toutes du café, tout en se bousculant les uns les autres, éructant à travers des râles de mécontentement et des grognements incompréhensibles. Courte s'approcha doucement et sournoisement de la table où se trouvait Michel, qui était déjà en train de ranger ses dés et son plateau de jeu. Courte. « Bonjour, monsieur Denneker. Puis-je vous appeler Michel, comme tous les clients ici ?» Michel fut surpris que cet inconnu connaisse son nom de famille. « Bonjour, monsieur. Oui, sans aucun problème. Bravo pour cette nouvelle victoire. Décidément, vous êtes imbattable. »« Oh, vous savez, ce n'est qu'un jeu. Mais à qui ai-je affaire ?»« Oh, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Appelez-moi tout simplement Courte. Puis-je me joindre à vous ? Je vous offre un verre. « Que prenez-vous ?»« Oh, merci, c'est gentil. Une simple reina bien fraîche fera l'affaire. Jouez, ça donne soif. »« Oui, il vaut mieux une bonne limonade ou un bon café le matin pour avoir les idées claires, et pas du genièvre mélangé à de la bière comme vos collègues, que vous avez achevé en quelques coups de dés, et surtout par la miaule de M. Jean servi à jeun. Votre technique de jeu est ahurissante. Comment faites-vous pour gagner presque à tous les coups ?» C'est certainement l'entraînement quotidien, et cela depuis que je suis tout gosse. C'est mon père qui m'a appris à jouer. Vous êtes bien modeste, Michel. Cela fait des années que je joue au 4-21 et je n'ai jamais vu cela. Personnellement, je n'ai jamais atteint de tels scores. Dites-moi, vous avez certainement une astuce, un secret, comme les magiciens, les prestidigitateurs. Non, monsieur Courte, le 4-21 reste un jeu de hasard. Ne me parlez pas de hasard en ce qui vous concerne. Si ce jeu est de la Providence, alors vous êtes né sous une bonne étoile, ou vous êtes tout simplement guidé par une muse qui contrôle votre main et vos gestes. Puis-je jouer une partie avec vous ? Avec plaisir, monsieur Courte, mais nous éviterons la méthode du quénoise et les verres de gnôle pour le perdant. Oui, jouons en toute sobriété, c'est mieux ainsi. Pour la première manche, composée de 4 lancers de dés chacun, je vous laisse la main, monsieur Courte, c'est à vous. Courte lança les 3 premiers dés sur le plateau feutré et fit une série de 3. « Pas mal, monsieur Courte !» Michel lança à son tour les dés et réalisa un 444. « Décidément, Michel, je ne vous arrive pas à la cheville. »« C'est loin d'être fini, monsieur Courte. Vous avez toutes vos chances pour me battre à la suite. » Courte lança de nouveau ses 3 dés. Ils se fixèrent sur un 133. « Non, mon score est médiocre !» Michel fit un 235. Ce fut au tour de Courte qui fit un 342. « Ah, vous voyez bien, monsieur Courte, vous reprenez la main !» Michel lança les dés pour une finale de cette première manche, et bingo, il fit un 421 fatal pour monsieur Courte. « Vous voyez bien, Michel, que vous êtes le champion imbattable. Je ne sais toujours pas comment vous faites pour terrasser votre adversaire à la fin d'une partie. J'espère qu'un jour vous me transmettrez votre secret. » Modestement, Michel baissa la tête, serra la main de M. Courte tout en le saluant par respect et en soulevant simplement et modestement son béret d'ouvrier. Au fond de lui, il exultait à l'idée d'avoir battu un inconnu au 421 et particulièrement cet homme à l'accent allemand. Inconsciemment, c'était une petite victoire sur ceux qu'il appelait avec mépris les Schleux. « Laissez-moi prendre ma revanche, Michel. Nous refaisons une seconde partie. »« Oui, pas de problème, Monsieur Courte. Je vous dois bien cela. Je laisse toujours une seconde chance aux perdants. »« Vous êtes bien aimable, cher Michel. Reprenez une consommation sur mon compte pendant que je m'éclipse. Au fait, dites-moi, où se trouvent les toilettes ?» Alors que Courte s'absenta quelques minutes, Jean, le patron qui avait assisté à la partie et pris de panique, s'approcha de Michel. Il lui souffla tout doucement à l'oreille. « Je préfère te prévenir, Michel. Il faut absolument que tu fasses gagner M. Courte. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Michel fut surpris par la réaction de Jean, le patron, qui était littéralement apeuré et pris d'effroi. « De qui s'agit-il exactement ?» demanda Michel. Jean, le patron, fut hésitant et mit quelques instants à répondre, tout en bégayant. « Eh bien, M. Courte est un inspecteur de la ZIPO-SD. »« C'est quoi la ZIPO-SD ?»« C'est tout simplement le nom technique de la police de sûreté allemande, communément appelée Gestapo. »« Si tu fais perdre M. Courte à chaque partie de jeu, tu risques d'avoir de gros ennuis avec lui. » Il serait incité à te mettre le grappin dessus en enquêtant sur toi et ta famille. Tu sais, ce type d'individu ne fait pas de cadeaux s'il se sent humilié au jeu. Mais il risque de s'apercevoir que je le fais gagner à tous les coups. Fais ce que je te dis, Michel. Tu le laisses gagner de temps à autre pour que cela paraisse naturel. Ainsi, tu n'auras pas d'ennui. Évite surtout de jouer avec lui devant tes collègues. En ce moment, ce n'est pas bien vu de fricoter avec un boche. Surtout lui. « Oui, monsieur Jean, vous avez raison. Merci de m'avoir prévenu. Je vais changer ma tactique et le faire gagner pour les prochaines manches. »« C'est dans ton intérêt. C'est plus prudent. » Monsieur Courte revint des latrines et s'installa de nouveau devant Michel, prêt à l'affronter. « À vous, cher Michel !» Michel lança sa suite de dés et fit un modeste 114. Courte fut surpris par la faiblesse du score et répondit par un 213. « Vous voyez, Monsieur Courte, que la chance n'est pas toujours de mon côté. »« À vous, Michel. Concentrez-vous, s'il vous plaît. » Michel lança les dés et fit un malheureux 111. « Effectivement, Michel, cette fois-ci, la chance ne vous sourit plus. Vous n'êtes pas très en forme aujourd'hui. Et pourtant, il y a une heure de cela, vous avez mis une sacrée raclée à vos collègues. » Courte passa de justesse à côté d'un 421 en faisant nénette, c'est-à-dire un 422. « Ah non, épargnez-moi, cher Michel, l'absorption d'une gnôle, comme vous dites ici. Je vous l'ai déjà déclaré. Le genièvre au petit matin, ce n'est pas dans mes préférences. Je ne le supporterai pas. »« Pas de problème, monsieur Courte. De ce côté-là, nous nous sommes déjà mis d'accord. Pas de méthode de jeu à la duquesnoise. Continuons la partie, c'est à moi. » Michel fit un 221. « Oh, dommage, vous n'êtes pas loin du but, mais c'est raté. » Courte fit un magnifique 421 qui le mit dans un état de jubilation face à Michel, ne cachant pas sa joie devant sa mine dépitée. Courte esquissa pour la première fois un sourire plutôt narquois. « Vous voyez, monsieur Courte, que la chance n'est pas toujours avec moi et qu'il s'agit bien d'un jeu de hasard que je ne maîtrise pas entièrement comme vous le prétendez. »« Oui, si vous le dites. » Courte n'était pas dupe. Il savait que Michel venait de le faire gagner volontairement. Avant de quitter le bistrot, Courte l'invita à refaire une partie dès le lendemain. Michel déclina l'invitation, prétextant un surplus de travail les jours suivants, suite aux intempéries, et particulièrement aux chutes de neige abondantes qui recouvraient les rails gelés de la gare de Lille. Courte était tout de même satisfait par cette première victoire sur le champion du Nord de D, et surtout par cette étonnante rencontre avec un jeune cheminot, qui n'avait pas froid aux yeux et qu'il n'avait pas pour habitude de fréquenter. Courte s'adressa une dernière fois à Michel en se retournant vers lui et d'un ton plus solennel lui dit « Au fait, monsieur Michel Denecker, hier matin, alors que je buvais un café, je vous ai entendu parler de votre sœur au patron du bistrot. J'ai cru comprendre qu'elle recherchait du travail dans un secrétariat. » Michel, surpris par tant d'indiscrétion et de culot de la part de Courte, répondit en bafouillant et en cherchant ses mots « Oui, c'est bien cela, monsieur Courte. » Courte lui tendit aussitôt une carte de visite et lui dit « Comme je vous trouve sympathique, que nous avons passé un bon moment ensemble à jouer, et surtout que j'ai finalement réussi à vous battre, permettez-moi de proposer cordialement à votre sœur de venir me voir à l'adresse indiquée sur ma carte. » « Pour quelle raison, monsieur Courte, que lui voulez-vous »« N'ayez pas peur, Michel, je ne lui veux que du bien. Ne soyez pas si inquiet pour votre sœur, je ferai sa connaissance. Je suis un homme galant, cordial et attentionné. » « Attention, je vous rassure, je ne suis pas sur l'île pour courtiser la gente féminine. J'ai bien d'autres choses à fouetter. Actuellement, je recherche tout simplement une secrétaire bilingue pour mon bureau de la Madeleine. Votre sœur peut venir me rencontrer au plus vite avec son curriculum vitae. Je peux vous assurer, Michel, que son dossier sera prioritaire. Je vous le promets. » Simulant une fausse naïveté, Michel demanda à Courte « Êtes-vous chef d'entreprise ?»« Oui, en quelque sorte. Je ne vous en dis pas plus. » Courte, fière d'avoir proposé à Michel cette offre d'emploi et surtout de pouvoir exercer une certaine emprise sur lui, quitta les lieux en saluant tout le monde, dont les quelques soldats allemands qui terminaient leur café. Michel fut interloqué. Il ne savait plus quoi dire et surtout comment réagir face à cette proposition des plus embarrassantes. Il avait l'impression de porter un lourd fardeau sur les épaules. À la fois étonné et désespéré par cette suggestion, il se sentait pris au piège par cet obscur et inquiétant personnage qui le mit d'un seul coup mal à l'aise. Michel en avait des frissons dans le dos. Ce n'était pas la température qui lui glaçait les os, mais bien l'angoisse d'avoir été piégé. Comment allait-il pouvoir en parler à sa sœur et à ses parents? Comment allait-il réagir? En cas de refus de la part de sa sœur, il s'imaginait déjà la réaction de colère de la part de Courte. Sous ses airs de gentleman courtois, ce dernier était très certainement un personnage imprévisible et peut-être dangereux, qui en une seule signature pourrait vous condamner à la déportation. De ce côté-là, Michel en connaissait un rayon, puisqu'il en avait vu passer des convois de prisonniers à destination de l'Allemagne ou de la Pologne. Michel ne devait surtout pas évoquer cette rencontre avec ses collègues sans être soupçonné par eux de collaboration avec l'ennemi. C'était trop dangereux, car certains étaient communistes, ségétistes ou résistants. Les règlements de compte déguisés en accidents de travail étaient monnaie courante dans le milieu des cheminots. À la SNCF, on ne supportait pas les traîtres, et encore moins les espions ou les collabos. Michel ne savait que faire pour se dépêtrer de cette fâcheuse situation dans laquelle il avait plongé tête baissée, par appât du gain et surtout par amour du jeu et excès d'orgueil. Dans ses petites combines de joueurs, sa sœur Justine était maintenant indirectement impliquée sans le savoir. Il salua Jean et rentra chez lui en tâtonnant des deux mains les façades des maisons, s'accrochant aux appuis de fenêtres pour ne pas glisser. Après un kilomètre parcouru difficilement, il rejoignit le quartier de Weisheim où habitaient ses parents. Sa mère lui ouvrit la porte et remarqua de suite la triste mine de Michel qui, au retour du café, n'était pas comme d'habitude. Germaine, sa maman, qui préparait une marmite de carbonade, lui demanda « Dis-moi, Michel, j'ai l'impression que tu fais la moue. Ne me dis pas que tu as perdu au 4-21, toi, le champion des troquets. » Tout penaud, Michel répondit à sa mère « Eh bien si, maman, une vraie raclée. » « Une bonne revanche de tes collègues. Bien fait pour toi, Michel. C'est pour ça que tu fais la gueule. Ça t'apprendra à toujours te vanter d'être le meilleur au dé. Pour une fois, une bonne leçon de modestie ne peut pas te faire de mal. » « Non, maman, ce ne sont pas mes collègues qui m'ont battu au jeu. »« Ah bon? Avec qui as-tu joué ?»« Avec un certain monsieur Courte. »« Courte? Drôle de prénom. C'est un boche? Ne me dis pas que tu joues avec un cheleu. Pas pour de l'argent, j'espère. Tu sais ce que tu risques avec ce type d'individu. »« Plus ou moins, maman. »« Tu ne risques pas de t'endetter, car je sais que tu ne joues pas pour du blé. Tu seras tout simplement leur nouvelle proie. Les Allemands ne te feront pas de cadeaux. » Ils vont te manipuler, et tu seras leur attraction, jusqu'au jour où ils se lasseront de tes prouesses au jeu, et boum, ils te flingueront, ou, s'ils te laissent en vie, ils finiront par t'enfermer à la prison de Laos pour paris illégaux, arnaques, et duperies envers autrui. Autre possibilité des plus funestes, tu seras la cible de la résistance très active en ce moment. On ne compte plus également les arrestations par la Gestapo ou les attentats dans les cafés, sans parler des règlements de compte dans le milieu du jeu clandestin. La pègre n'a jamais été aussi active en cette période de guerre, et elle recherche de jeunes naïfs comme toi, des champions, des petits coqs de combat, sur qui parier ou faire du chantage. Oui, maman, tu as raison. Merci pour tes conseils. » En constatant la colère de sa mère, Michel ne dévoila pas la vraie identité de M. Courte et ne parla surtout pas de l'offre d'emploi proposée à sa sœur. Du reste, il cacha la carte de visite de M. Courte au fond de sa besace en cuir. Il ne pouvait s'imaginer Germaine acceptant que sa fille, Justine, travaille au quotidien dans un bureau tenu par les nazis. En fin de journée, Roger, son père, revint de la boulangerie Meunerie industrielle appelée l'Indépendante, où ce dernier travaillait quotidiennement au cœur du boulevard Montebello. Il était harassé par ce boulot, faisant les 3-8 devant l'immense fournil, aux températures extrêmes. Une fois la nuit, une autre fois la journée, à produire 4000 pains toutes les heures avec une équipe tournante de 320 personnes. Dès qu'il rentrait, il buvait un bol de soupe et s'effondrait dans le canapé sans dire un mot, indifférent à ce qui l'entourait. La farine qu'il inhalait chaque jour le faisait tousser comme un tuberculeux ou un mineur de fond dans un sanatorium. Pour calmer sa toux, Germaine lui préparait tous les soirs un grand bol de lait chaud au miel. La famille Denecker habitait une sombre courée, accolée à une petite fabrique textile qui fonctionnait jour et nuit. De leur habitation, on entendait le bruit de fond continuel des métiers à tisser industriels qui tournaient sans arrêt et faisaient trembler les murs de la cuisine. Il n'y avait que le gros poste à galène situé dans la chambre de Justine, la sœur de Michel, qui pouvait couvrir cette pollution sonore dont ils s'étaient tous habitués. Depuis 40 ans, Roger Denker s'était sacrifié au travail, afin de nourrir sa marmaille, et surtout faire en sorte que ses enfants n'aient pas la même vie de labeur que lui. Il était fier que son fils Michel soit fonctionnaire à la SNCF, que sa fille Justine ait pu continuer ses études de secrétariat au lycée César Baggio. Celle-ci préparait le concours administratif afin d'intégrer la préfecture du Nord. C'était son seul et ultime objectif dans la vie. Comment Michel allait-il pouvoir lui annoncer qu'elle pourrait stopper momentanément ses préparations au concours en se présentant à l'adresse indiquée par M. Courte sur sa carte de visite ? Devant le miroir de sa chambre, et à l'instar d'un comédien de théâtre, Michel se préparait à endosser le rôle d'un personnage enthousiaste et enjoué, afin d'annoncer à sa sœur la bonne nouvelle concernant cette offre d'emploi proposée par Courte. Il ne pouvait pas tout lui dire sur le champ, et surtout dévoiler l'identité exacte de Courte, afin de ne pas susciter de réticence de la part de sa sœur ou de ses parents face à ce cadeau empoisonné. Comment persuader Justine de bien vouloir accepter de travailler pour les Allemands ? De toute manière, même la préfecture du Nord était à leurs bottes. Il fallait que Justine comprenne cela, elle qui préparait les concours. Toute l'administration française travaillait pour eux sous le gouvernement de Vichy, même la SNCF pour laquelle bossait durement Michel. En effet, chaque jour, dans une totale indifférence, il fermait les yeux face aux wagons chargés de vivres pour l'Allemagne, ou de prisonniers et de familles en partance pour Malines, en Belgique, puis la Pologne. Sa seule préoccupation au quotidien était de gagner correctement sa pitance, et surtout de retrouver ses camarades de jeu au fond du café Le Gaspard, son second foyer. En bel égoïste, Michel était devenu un accro des chiffres et surtout des scores, un petit escroc des tapis verts, triturant sans cesse entre ses doigts un trio de dés prêts à être lancés, et qui lui donnait un sentiment de puissance, et surtout une certaine excitation due à l'adrénaline. Les dés étaient ses vrais et seuls amis. Ils étaient sa seule raison de vivre, et surtout son ascenseur social, lui permettant d'être considéré par tous comme un homme, un vrai. Il était devenu addict à cette sorte de numérologie qui lui donnait de l'importance et flattait au quotidien son orgueil de joueur. Les coups de dés était une métaphore de l'imprévisibilité de sa propre existence de petit cheminot oisif. Le jeu venait combler sa solitude et surtout l'ennui d'une triste vie sous l'occupation. Michel entra sans frapper dans la chambre de Justine qui était occupée à se maquiller tout en écoutant le gros poste TSF installé sur sa commode. De celle-ci, on pouvait entendre une voix monocorde annonçant de drôles de phrases en continu. Ici, Londres, les Français parlent aux Français. Message personnel. Toto et Zouzou se portent bien. Je répète, Toto et Zouzou se portent bien. Le bébé commence à marcher. Je répète, le bébé commence à marcher. Albert attend près du canal. Je répète, Albert attend près du canal. Richard dit bonjour à ses amis. Je répète, Richard dit bonjour à ses amis. Le chat Mimi est sur le mur. Je répète, le chat Mimi est sur le mur. Michel fut surpris par le programme radiophonique qu'écoutait sa sœur. « C'est curieux ce que tu écoutes, Justine. De quoi s'agit-il ? » « C'est tout simplement la voix de la France Libre, une émission de la BBC, Londres. » « Tu écoutes une radio anglaise, des Françaises installées en Angleterre autour du général de Gaulle ? Mais, ma pauvre Justine, sais-tu que c'est strictement interdit par les autorités du gouvernement de Vichy, et surtout allemande ? Tu risques gros en écoutant ce charabia incompréhensible. Du reste, à quoi correspondent ces petites phrases simplistes, énigmatiques et ridicules ? Oh, certainement des dédicaces pour des familles. Mais quelles dédicaces ? Il n'y a pas de musique. De plus, ce langage me paraît bien obscur et hermétique pour alimenter un ensemble de dédicaces familiales. Le commentateur ne prononce ni le nom ni le prénom des personnes à qui ces messages sont destinés. C'est bizarre. Oui, cela m'amuse de les écouter. C'est très poétique. C'est diffusé tous les soirs. Tu as de drôles de distractions pour une jeune femme de ton âge. Il vaut mieux que tu te branches sur Radio Paris, Radio Bruxelles ou Radio Vichy, les seules fréquences autorisées en ce moment pour écouter de la variété, de la bonne chanson française, par de vraies vedettes, comme l'orchestre de Jo Bouillon, Mistinguette, Maurice Chevalier, Tino Rossi et bien d'autres, car avec tes conneries, nous risquons de nous faire arrêter. Fais gaffe, car j'ai entendu dire que les Allemands passent dans les rues avec des camionnettes radio-goniométriques banalisées, qui capte les postes TSF branchés sur Radio Londres, la radio du général de Gaulle. Oui, je sais. J'écoute de temps en temps Radio Stuttgart, Radio Strasbourg ou La Voix de la Paix, recommandée par le maréchal Pétain. Oui, c'est mieux ainsi, pour rester dans la légalité. Sans transition, Michel prit ce prétexte des ondes radio pour mieux faire passer la pilule auprès de sa sœur et lui annoncer la bonne nouvelle. « Au fait, Justine, papa et maman m'ont dit que tu aimerais trouver un boulot de secrétaire. »« Secrétaire, c'est un grand mot. Un simple poste de commis aux écritures me suffirait. Mais je sais qu'actuellement, les emplois, même en tant que stagiaire, ça ne court pas les rues. »« Oui, c'est bien vrai. Mais justement, ma chère Frangine, au bistrot, j'ai rencontré un chef d'entreprise très sympathique qui recherche au plus vite une jeune secrétaire comme toi. »« Ah bon, c'est vrai ? C'est formidable ! En quoi consiste ce travail ? Quel profil recherche-t-il ? Eh bien, figure-toi qu'il recherche un profil comme le tien, et je me suis permis de lui parler de toi. Eh bien, mon Michel, bravo ! Tu ne perds pas une minute, et je vois que tu penses à moi. Avant que je réponde favorablement à cette offre d'emploi, je souhaiterais que tu m'en dises plus sur cet employeur. Michel, embarrassé par la réaction de Justine, répondit en bafouillant « Eh bien, ma chère Justine, il s'agit d'un monsieur très distingué, très poli, et qui s'est présenté à moi pour me proposer de jouer au 421 avec lui. Nous avons sympathisé, il est charmant, il se nomme Monsieur Kurt. » « Kurt ? Mais c'est un prénom allemand ?»« Oui, je pense qu'il est allemand, il a un fort accent. » »« Mais peu importe, Justine, qu'il soit allemand, français ou belge, ce n'est pas le plus important. » Du moment que tu trouves un emploi et surtout que le patron soit honnête avec toi et te respecte, c'est l'essentiel. Si ce n'est pas le cas, il aura affaire à moi. De toute manière, tu n'as rien à perdre à te présenter spontanément. Mais que fabrique son entreprise ? C'est un patron du textile ou un négociant ? Quelle sera ma mission exacte ? Face à cette question embarrassante, Michel fut évasif et répondit « En ce qui concerne sa société, il ne m'en a pas dit plus. » Et pour ce qui est de l'emploi en question, je pense que tu devras taper des rapports administratifs, un peu comme pour la préfecture. C'est donc un emploi en rapport à l'administration. Oui, je pense que c'est quelque chose comme cela. De toute manière, tous les emplois de commis en écriture se ressemblent, que ce soit pour les services publics ou les entreprises privées. Toute la journée, tu tapes à la machine des courriers dictés par le chef de service ou le patron, des rapports, des statistiques, des factures pour le service comptabilité, des lettres de réclamation. Oui, ça doit être ça. Tu en sais plus que moi dans ce domaine. Je te fais confiance. Vraiment, mon cher frangin, je ne sais comment te remercier. Je te suis très reconnaissante pour cette proposition d'emploi, et si un jour je peux t'aider, je le ferai volontiers. Oui, tu sais, Justine, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Présente-toi d'abord dans les bureaux de Monsieur Court, et tu me remercieras après avoir été embauchée. Il m'a dit que tu peux passer quand tu veux, plutôt le matin. Il est disponible de 10h à 12h. Au fait, quelle est l'adresse de son bureau ou entreprise ? Tiens, c'est tout simplement écrit sur sa carte de visite. Justine put saisir de manière énergique la petite carte de couleur grise sur laquelle il était écrit « Monsieur Kurt Kohls, bureau 3, 18 rue François de Batz, 59-110, La Madeleine ». Curieusement, il n'y avait pas de nom d'entreprise ou de service, ni de numéro de téléphone, et encore moins la fonction de Monsieur Kurt. Ce ne doit pas être très loin d'ici, je suppose. Ce soir, je regarderai sur un plan de l'île où se trouve la rue de Batz, et je compte bien m'y rendre dès demain matin. Très bien, Justine. Je sais que tu es une fille des plus sérieuses et consciencieuses. Je suis sûre que Kurt te recrutera sur le champ. Tu as un CV bien garni. Oui, on verra cela demain matin. Bonne nuit, Michel. Michel sortit de la chambre de sa sœur, rassuré de l'avoir persuadé de se présenter au plus vite à cet entretien d'embauche. Dans le cas contraire, Kurt ne lui aurait pas fait de cadeau. Michel aurait été convoqué sur le champ afin de rendre des comptes et subir certainement la brutalité d'un homme qui était en apparence doux comme un agneau. En fin de soirée, il alla se coucher et toute la nuit, il se retourna nerveusement dans son lit, se demandant comment sa sœur allait réagir en découvrant la vraie fonction de M. Kurt comme inspecteur principal de la Gestapo et non pas commerçant, négociant ou chef d'entreprise. En voyant l'immeuble de la rue François de Batz, Justine n'allait-elle pas rebrousser chemin ou tout simplement refuser le poste lors de son entretien avec Kurt? Michel savait, au fond de lui, qu'il était personnellement piégé et qu'il entraînait également sa sœur sur une voie sans retour, dans une aventure des plus scabreuses dans laquelle tous deux jouaient leur peau. Justine était malgré elle embarquée dans un parcours soi-disant professionnel dont elle ne sortirait pas indemne. Mais ça, elle ne le savait pas encore et le découvrirait bien assez vite.